bon, nous sommes dans le cadre de la fête de la musique qui se déroulera ce soir à partir de 18h avec The Grape, Latitude Scène et Plastic Edge. Je vous propose donc en guide d'apéritif de rejoindre le groupe Plastic Edge pour une interview. C'est une formation qui nous vient de Nevers, la patrie des tambours du Bronx. Alors Plastic Edge, c'est qui, c'est quoi? On fait les présentations. Ah bonjour, moi c'est Apolline, chanteuse et bassiste de Plastic Edge. Salut, moi c'est Nicolas, guitariste et chanteur de Plastic Edge. Moi c'est Gaëlle, batteuse et choriste de Plastic Edge. Ça existe depuis quand Plastic Edge? Depuis fin 2012, on va avoir 6 ans dans 6 mois à peu près. Enfin, donc oui, on a 5 ans et demi. Donc on a 5 ans et demi du coup et on s'est formé, on avait 15 ans. 15 ouais. ans ouais. Ouais. Ouais. Alors c'est quoi l'histoire du coup? Vous êtes formé comment? Et bien là-bas, je voulais former un girl band, donc avec Gaëlle ça a marché, puis Nicolas a répondu à l'annonce du girl band. C'est moi. Donc on a dit oui quand même, hein, ma foi, et puis voilà, donc on s'est formé comme ça, petit college band, et puis on est toujours là, ma foi. Donc. Ça marche plutôt bien. Il y a des choses qui ont évolué depuis le début? Oui. Quoi? Et ben au bout d'un an, on est passé de 3 à 4 personnes, on a embauché un guitariste. Voilà. Tu l'as embauché. Hein. Au bout d'un an, il est parti, on en a embauché, j'ai tourné autour de ce mot-là, un autre guitariste encore. Et un an après, le premier venu. Voilà, et puis c'est reparti. Voilà, il est reparti il y a 6 mois. On a un problème avec la deuxième guitariste, donc c'est pour ça maintenant on est revenu à 3, c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà, ça prend moins de place dans la voiture. C'est ça, ouais. C'est peut-être même plus énergique, Formule Power Trio. Et bah, en fait, on avait un peu peur justement que ça ne ça moins bien ou que ça fasse vide, sonore. Etc. Puis au final, en travaillant un petit peu, moi je préfère. C'est plus agréable. Il apportait quoi le second guitariste? Bah, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient que ça ne servait à rien. Donc, moi après, je. Sur l'album, l'autre guitariste joue. Hein, si, ça apporte quelques petits désarrangements en plus, des petites subtilités en plus, mais. Franchement, après, voilà, sur un album, même à 3, on peut rajouter des petites parties de guitare comme ça. Mais sur scène, franchement, c'est vrai que maintenant, avec du recul, parce que ça fait 6 mois qu'on tourne à 3, en fait, c'était pas si indispensable que ça, quoi. Ouais. Je pense. Hein. Ouais. Mais c'est même plus simple au niveau du son pour sonoriser tout ça. Au moins, maintenant, c'est simple. 5 moments clés de votre histoire. Alors, le premier, je dirais, c'est notre formation. Notre première répète, ouais. Ouais, notre première répète, tout ça. Le deuxième, notre premier concert qu'on a fait au lycée agricole de Chaluy, à côté de Nevers. Sous la neige. C'était la remise des diplômes. On a joué après la remise des diplômes, donc il n'y avait plus personne. Tout le monde s'est barré. On a eu comme cachet un chèque de 20 euros en chèque cadeau chacun. C'est ça. Ça, on s'en fout, t'as dit? Oui. D'accord, merci. Le cachet, quoi. Ah non, mais c'est un moment important, donc voilà, je dis tout. Peut-être les 20 premiers euros. C'était 20 euros à Forum, mais c'était... Voilà. Se faire payer pour sa musique au départ, ça doit être... Oui, bah oui, on était contents, hein, déjà, parce que nous, on avait joué deux compos ce soir-là. Ouais. Puis des reprises, ouais. On ne dira pas quoi parce que c'est un peu... Après, troisième moment, c'était le festival Nevers à Vif quand on a joué avec Deluxe et Azab Lab. Je crois que c'était ça, oui, Azab Lab. C'était en 2014, du coup. Et on a joué avec Grâce au Café Charbon et c'était la première fois qu'on jouait vraiment avec des conditions professionnelles et c'était super, super cool. Ça nous a beaucoup apporté pour la suite. D'ailleurs, il y a un super reportage sur nous. Oui, il y a un reportage sur notre chaîne YouTube. France 3 Bourgogne était venu nous voir. France 3 Bourgogne, alors c'est trop marrant de nous revoir parce qu'on est des petits enfants, on est impressionnés, genre, ouais, une grande scène et tout, enfin, c'est tout mignon. Enfin bref. On en est au troisième là. Quatrième, voilà, c'est l'EP, la sortie de notre premier disque en soi, parce que c'était bien beau de faire des concerts, mais bon, on n'avait aucun support, donc voilà, on a décidé de sortir un petit EP qu'on enregistrait avec les tambours du Bronx, et puis le cinquième, la sortie de notre album. Voilà. Donc le nom Plastic Edge, ça vient, je crois, d'une chanson des Buggles. C'est ça. Je crois aussi. Une chanson de 1980, les Buggles, donc certainement connus, enfin plus connus pour Video Kids de Radio Star. Vous n'étiez pas né à l'époque, donc cette chanson, ça représente quoi pour vous, en fait? Les années 80. C'est ça. Mais en fait, ça fait bizarre, parce que vu qu'on l'a... Enfin, moi, je l'ai écouté après qu'on ait trouvé le nom. Genre, quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il nous parle à nous, en fait. C'est très étrange. Je sais pas si ça vous fait ça, mais quand j'entends Plastic Edge... Un passage de flambeau, c'est beau. Ça fait très bizarre, mais c'est une chanson qu'on aime bien. Après, c'est le nom de notre groupe, donc forcément... Ouais. C'est notre chanson, quoi. Vous l'écoutez souvent, du coup? Non. Ça nous... Si, quand même. En voiture, ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté. En rentrant, voilà. Ce soir, voilà, je vais vous la faire écouter, tiens. Ouais. Non. Ce soir, en ouverture. C'est ça, voilà. Et vous avez fait une reprise ou pas? Non, jamais. Non, jamais. Mais peut-être... J'ai des idées. On apportera des gros synthés. Et puis... c'est ça. Non, mais pourquoi pas la faire juste... en rock. Ça peut être drôle. Ça pourrait être sympa. Ça peut être drôle. Donc nous, public, justement, on aime bien catégoriser ce qu'on écoute, classer les artistes par genre, leur coller une belle petite étiquette. Dans quelle boîte on va ranger Plastiquette, du coup? Eh bien, ce sera une autre boîte, une nouvelle boîte, puisqu'on se définit comme du plastic rock. Ouais. Un mélange de compos bien rentre dedans. Je pense à Bright Toodle sur l'album, avec des textes... il va pas parler des textes parce qu'à chaque fois qu'il parle des textes, en fait, il comprend rien. Donc j'ai dit que j'allais leur faire un cours. C'est normal. C'est normal parce que c'est pas nous qui écrivons les paroles, Gaël et moi. Et du coup, donc un mélange entre des chansons rentre dedans et des chansons qui ont beaucoup avec des mélodies. On dit punk pop aussi des fois. Fort. Punk pour l'énergie et pop pour le côté mélodieux, mélodique. Voilà. Quels seraient justement les trois adjectifs pour caractériser tout ça? Alors, juvénile, parce que bon, j'ai dit ça parce que j'ai vu ça dans un article sur nous, hein, c'était l'énergie énergique justement, et puis... Mélodique, on a mélodique, dit. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien, ça représente. C'est pas mal, je trouve. Est-ce que vous sentez représentatif ou porte-parole d'une génération? Pas. Bah, de la génération de la génération rock, quoi. Après, est-ce que voilà, maintenant... Est-ce que maintenant c'est vraiment notre génération est vraiment très rock? En fait, il y a toujours eu le rock a toujours été populaire, mais c'est vrai qu'il a toujours été présent, ancré dans les clivages. Après la génération, je sais pas parce que bon, la génération de nos jours est pas forcément très rock'n'roll, hein, mais ça va peut-être revenir. Hein, ouais, mais il y a une bonne scène rock en France, hein, je dis pas le contraire, mais ouais, il y a pas de porte-étendard. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de groupe, je sais pas, dans les années 90, il y avait la Mano Negra par exemple en France. Mmh. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de. Après, il y a eu Noir Désir, encore avant c'était Téléphone. Bon. Là, je ne vois pas. Depuis, il n'y a rien, ça a peut-être une place à prendre. Ah bah... Il y a des groupes très bons qui se ça disputent cool, hein. Au sommet. Oui. Je pense au Johnny Mafia, par exemple. Est-ce que vous êtes des artistes engagés? Est-ce que vous défendez une cause? Bon, non. Non, pas forcément. Moi, dans mes chansons, quand j'aime pas quelqu'un, je le dis, puis voilà, c'est tout. Mais tu défends ta cause dans la chanson. Voilà, je défends ma cause, moi je pense qu'à ma gueule, tu vois. Alors justement, en parlant de composition, qui compose, qui fait quoi? Eh ben, c'est moi qui compose, avec ma petite guitare. Je fais des petits enregistrements donc sur Audacity avec mon petit sur PC, magnifique. Hein, qui est magnifique. Hein. Extra. Je pense que je peux faire un G-son dans une prochaine vie. Et puis après, on arrange et puis on fait la structure, tout ça, les voix ensemble. Voilà, on peaufine. Ouais. Enfin, même on travaille tout de suite. C'est ça. D'accord. Et t'écris toujours en anglais? Toujours, ouais. Ouais. English forever. Et pourquoi? Parce que le rock français c'est comme le vin anglais, hein. John Lennon. C'est ça. parce que après c'est le grand débat, hein, ça c'est sûr, mais parce que moi je trouve que le rock ça sonne mieux en anglais et que le français c'est bien, mais ça se prête pas au rock et voilà, c'est tout. Vous connaissez The Delaney? Oui. Ouais. Ils chantent en français. Oui, alors je dis pas que c'est pas bien, voilà. Mais déjà, alors c'est plus dur à écrire, je trouve, parce que le français supporte beaucoup moins bien les fautes, les erreurs que l'anglais. C'est plus poétique, le français. C'est ça, dès qu'on fait une fin... Le problème, c'est que si c'est pas super bien écrit, bah c'est mauvais, quoi. Enfin, je vais peut-être me faire des ennemis, par exemple Indochine, pour... voilà, il y a un moment donné... C'est pas du rock, Indochine. Bah, c'est un groupe de rock à la base, non? Enfin, oui, au départ, voilà, mais bon... Voilà, par exemple, je suis pas trop fan, quoi. Voilà, après, Téléphone, par exemple, aussi, j'aime beaucoup, mais les paroles, des fois, bon, voilà, c'est bien gentil, mais... Ça part un peu partout. Mais... Voilà, non, le français, je j'aime pas. Voilà. Mais après, qui sommes-nous pour critiquer ces gens qui remplissent voilà, encore après, les stades? Moi, je respecte, hein, déjà, chanter en français, c'est énorme, hein, ça, c'est sûr. Très bon musicien, vraiment. C'est clair. Qu'est-ce qui t'inspire au niveau paroles, musique? Eh ben, c'est les choses qui m'entourent, les gens, leurs attitudes, des le fois quotidien. Une situation, le quotidien. L'amour. Oh, l'amour, oui. Quand on n'a que l'amour. Voilà, l'amour, bon, grand thème du rock, hein, aussi. C'est ça. Donc, votre premier album, Red Blood Roses, vient de sortir il y a quelques mois. Racontez-moi sa jeunesse, je veux tout savoir. Eh ben, déjà, si vous voulez, si tu veux connaître une petite anecdote assez sympa, le premier morceau qu'on a commencé à répéter, c'est la plage 4, This Is Not Love, et on a commencé à la bosser avant que notre premier EP sorte, donc ce morceau, il a au moins 2 ans, facile. Et puis voilà, déjà première anecdote, et puis après bah en fait on a bossé les morceaux de l'album toute l'année 2017 voilà, elle a sur scène une grosse, en fait moi j'ai eu beaucoup d'inspiration d'un coup. Je sais pas comment, pourquoi, mais... on les a bossés en répète l'hiver 2016-2017 pour après pouvoir les jouer en 2017. On les a maquettés une fois, puis deux fois, puis trois fois. Voilà. On les connaît sur le bout des doigts, les morceaux. Hein, mais voilà, donc du coup, on savait pas quoi en faire. Donc on va faire un petit album. Hein, et puis, allez, allons-y. Voilà. Donc il a été fait où cet album ? Et bien, bah, pareil que l'EP au studio des Tambours du Bronx, donc le Bronx Sound Machine, à Révillon, à côté de Nevers. Un film. Là où répètent les Tambours du Bronx, où ils enregistrent en fait, enfin, c'est vraiment leur local en fait à eux. Donc, c'est le QG. C'est en pleine cambrousse. Voilà, on enregistre des fois, même pas ils sont que c'est là. Un studio. Ils sont... Ouais, c'est ça, en fait, c'est en pleine cambrousse et puis tu peux pas le louper. Hein. T'arrives sur une route de campagne après des fermes et t'as plein de bidons partout. Tu fais bon, bah c'est là. Voilà, donc. Je pense que. Avec Dominique Godot, des Tambours du Bronx, du coup. Il a été fait en combien de temps ? Et bah, on l'a fait en tout. Enfin, c'était très dispatché en fait, mais on l'a fait en tout sur 2 semaines, je pense. Non, ça s'est étalé sur une dizaine de jours. Ouais, étalé sur une dizaine de jours. Ouais, une dizaine de jours, c'est ça, en gros. Début 2018, en janvier. On a fini en janvier l'enregistrement. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont influencé pour l'album ? Et bah, beaucoup le cinéma. Blood Red Roses, c'est une référence à American Beauty, le film, hein, les roses, tout ça. Il y a beaucoup de références. Moi, perso, j'adore le cinéma, le Scorsese, Hitchcock. Ouais, je suis très, très, très fan. Il y a aussi un morceau qui s'appelle Black Mirror. Donc, ouais. On est très, très fan de cette série. Et il y a quoi qui parle de cinéma? The Fairest One of All aussi. C'est inspiré de Blanche-Neige. Dans du grand cinéma, mais... Ouais, là, j'ai pas tous les films en tête, mais c'est vrai qu'on... C'est un peu dans chaque morceau. Ouais, c'est ça, on s'inspire beaucoup du cinéma de Polanski, des choses comme ça, en fait. Après, voilà, il y a des petites références dans les morceaux, un petit peu cachées, mais bon... C'est subtil, on va dire. Moi, j'aime bien le visuel, justement, de la pochette. J'aime bien, c'est des photos, tout ça. Si tu veux tout savoir. Hein. Ouais. Bah, en fait, ce qu'on a été photographié dans une baignoire avec du lait. C'était génial, on est passé un par un. La photographe était sur sa baignoire en fait. À Califourchon. Je sais même pas comment elle a tenu, parce qu'elle a failli tomber, mais elle était comme ça en train de nous prendre. On était comme ça à moitié asphyxiés. Il y en avait un qui devait remettre du lait dans la baignoire pendant qu'elle prenait des photos. Mettre les roses, c'était une galère. Remettre les pétales aussi. Donc non, on n'est pas dans un lac de lait. Non, c'était dans la baignoire de Moon. C'est ça. Ah ouais, bah tu vois, j'en ai appris une. Et oui. Et elle a fait le montage en post-prod après. D'accord, le mouvement, c'est ça, c'est du... Ouais, c'est de la post-prod. C'est du travail après. C'est ça. Enfin, post-prod, je sais pas si on dit ça comme ça, mais... Ok. De quelle chanson vous êtes le plus fier sur ce CD ? Bon, on va faire ça individuellement, puisque tous ensemble. Moi, ma préférée, c'est Black Mirror. Enfin, je saurais pas dire pourquoi. Je pense que c'est parce que le travail des voix est assez poussé sur cette chanson-là et que c'est ce que j'aime bien dans la musique. Donc voilà, on va dire ça. Moi, j'aime beaucoup Bright Doll, parce que en concert, c'est l'une qui en voit le plus. Ouais. Et elle est très bien restituée sur disque au niveau de l'énergie et du dynamisme. Moi, c'est la même que Nico, c'est aussi Bright Doll. Bon, mais vous êtes des punks. Non, peut-être pas. Et une chanson dans votre répertoire que vous considérez comme la plus réussie ? Aucune. T'es gentil avec toi-même. La plus réussie. Blood Red Roses, justement, le titre qui a donné le titre de l'album, justement, parce qu'en fait, c'est un morceau qu'on a répété, je sais pas, en 2 heures, et il était calé, et on l'a pas du tout changé depuis. Toutes les parties y étaient. Et c'est vrai que... On a fait ça, mais on s'est compris, on était en symbiose, là, je sais pas... Tous les quatre, Étienne avait trouvé le riff qui a introduit le morceau direct. Là, on a mis et puis en fait, il marche bien, je pense, hein, en toute modestie. Hein, mais... Oui, c'est en plus, c'est un morceau qui est super agréable à jouer sur scène, je sais ouais, pas vous. Oui, moi, j'adore le jouer sur scène. Ouais. Donc voilà, quand il arrive, on se donne à fond. Donc ça, c'est pour vous la plus réussie. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire déjà qu'une chanson est réussie ? Bah, qu'elle nous plaît et qu'elle plaît et... Je sais pas, moi perso, qu'on aime la jouer au niveau du son, etc. Et puis elle plaît aux gens aussi, donc je pense que elle doit être réussie du coup. Je suppose. Le titre est cool. Voilà. Ouais, le titre est cool. En plus, on avait fait un clip. En plus, ouais. En plus. Donc, on en parle du clip un petit peu. Parlons-en, yes. Oui. Et on a tourné ce clip au Café Charbon à Nevers. On a choisi ce lieu en fait parce qu'il va là, ils ont fermé déjà. Entre guillemets, on va dire. Ouais, ils vont fermer en gros pour des rénovations. Donc la salle du Café Charbon va plus du tout ressembler à ça. Donc nous, on a voulu immortaliser vraiment le lieu, quoi, parce que c'est un lieu qui est super important pour nous, parce qu'on a passé des concerts, des trucs de folie, un lieu, quoi. Un lieu qui est super important pour la ville de Nevers, ouais, en déjà. Général. Ouais. Et puis on a demandé donc à l'école d'art danse de venir danser sur le clip, parce qu'en fait c'est mon frère qui fait de la danse là-bas. Et puis une fois, vu que je faisais de la danse là-bas aussi avant, la prof une fois vient me voir, elle fait « Ah, ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble et tout ». Je suis « Bah ouais, carrément ». Et puis du coup, on a réfléchi à ça. Puis donc voilà, on a tourné ça là-bas avec Sophie Michneau, qui est une caméraman de télévision en fait à la base. Et, Culture Tube, Quotidien. Ouais, The Voice aussi, Danse avec les stars. Donc, d'accord. Ouais. Voilà, donc on avait l'équipe de Danse avec les stars en fait pour le clip, donc on s'est dit bon bah ça va, je pense que ce sera réussi. Donc voilà, l'histoire du clip. Eh ben cool. Il y a une tournée aussi, donc du coup. Ouais. Donc il y a combien de dates? Alors, combien on a fait de dates? Une vingtaine, trente? Pour le moment, c'est 20 cette année. Pour le printemps. Oui, pour le printemps. Là, en fait, aujourd'hui, c'est la dernière de la tournée printanière, si j'ose dire. Ouais, on a fait 20 dates à peu près. Après, on en a d'autres qui vont arriver pour l'automne, mais... Rien cet été, là. Si, on en a quelques-unes, mais pas énormément. On va plus bosser cet été que... Ouais, cet été, on va plus... Au niveau du groupe, hein, ouais. De nouveaux morceaux, ou approfondir répéter le travail plus, qui a déjà été fait. On va reprendre cet automne à fond, normalement. Voilà. Si d'accord. Tout va bien. On peut les trouver où, vos dates? Alors, sur notre page Facebook, Plastic Age. Sur le site de la Certa Production aussi. Ah oui, de la Certa Production. Et puis, c'est tout. Je crois qu'elles sont annoncées que là. Voilà. c'est quoi les autres projets que vous avez sur le feu ou mijotez quoi? Clip. Beaucoup de, on a beaucoup de clips qui sont en préparation. Je pense qu'on va être le groupe le plus clippé du monde. Hein, parce que, ouais. En fait, je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de gens qui veulent nous faire des clips. C'est des gens qui vous proposent. Ah oui. Ouais. Parce que nous, à la base, on avait prévu de faire 3-4 clips voilà, pour les morceaux de l'album. Et puis en fait, au fur et à mesure, il y en a qui ont demandé « Alors moi, je peux faire celui-là. » Donc en fait, sur les 12 morceaux, je pense qu'il y en aura au moins une dizaine qui seront clippés. Mais c'est bien parce que ça rejoint le fait... Du cinéma. Voilà, oui. Le côté visuel, exactement. Non, mais c'est bien. C'est donc on a beaucoup de clips en préparation. Après, la tournée de l'automne et puis... Après, affaire à suivre. Hein. Ça veut dire que c'est quand même un truc qui marche et que c'est une musique qui plaît. Ça commence un petit peu. C'est quoi le truc le plus dingue que vous ayez fait jusqu'à présent? Wow. Je sais pas, déjà enregistré avec les Bronx, c'est ouais. Pas mal. Ce qui a donné en plus une opportunité de folie pour moi en tout cas, c'est que quand on a enregistré l'EP avec les tambours du Bronx, Dom, celui qui nous a enregistré, a bien aimé ma voix. Et du coup, s'en est suivi que j'ai enregistré quelques titres pour les tambours du Bronx avec ma voix et qui m'ont proposé deux concerts, dont un à la machine du Moulin Rouge à Paris. Je pense que c'était ça le truc le plus ouf qui m'est arrivé grâce au groupe, parce que c'était exceptionnel quoi. Après, pour nous trois en général. Je sais pas, on a joué avec Little Bob, c'était marrant, ouais, c'est Little une légende Bob, du rock. C'était cool, voilà, ça, ouais. Il avait fait la première partie des Police, des Jams à l'époque. Ouais, il côtoyait pas mal Lemmy aussi. C'est franchement jolie référence. Ouais, c'est clair. Et une personne très agréable aussi. Pas trop intimidé quand on joue à côté d'un mec comme ça. C'était un petit peu, oui. Mais après, c'était pas une grosse scène, c'était au Cornemuse à Arleux. Alors, dans la ceux Nièvre. Ceux qui connaissent, ouais. En fait, c'est un lieu super convivial, donc du coup, on n'était pas trop dans l'esprit, genre on fait la première partie, puis voilà, eux, c'est la star. C'était très bon enfant. On mangeait tous ensemble et tout. Enfin, c'était super cool. Au début, c'était un peu intimidant, mais au final, ils sont tellement gentils que. Et puis, on est plus grand que lui. C'est il est plus petit qu'Apolline. Oui, je précise. Un petit coup de cœur, peut-être. Alors moi, un coup de cœur cette année, enfin, je connaissais déjà le groupe, mais ce serait les Foo Fighters, que j'ai vu en concert là au Download il y a une semaine, et c'était juste exceptionnel. Voilà. Moi, c'est... Interpol, pas mal. Beaucoup en ce moment. Il y a aussi XTC, Angel Olsen. Voilà, c'est les trois principaux 2017-2018. Ouais. Moi, c'est The Soft Moon, avec son album Criminal. Bon, et un petit peu de pub pour des artistes que vous aimez bien, du coup. Alors, nous, on a joué avec les Dead Gallaghers de Dijon. On a joué avec eux le 20 juin, mars année. Et c'est un super groupe. Je ne sais pas comment définir la musique. Ils disent qu'ils font du power pop, je crois. La power pop. Oui, c'est rock aussi. C'est bien rock, bien rentre dedans. C'est super cool. Et puis, il y a Kiddy Cook aussi. En fait, c'est les... C'est super bien. Et en fait, c'est eux qui gèrent la Sarta Production avec qui on travaille. Et c'est un super groupe de scène. Ils sont adorables et... Franchement, ça envoie de ouf. Hein. Très très professionnel en plus, et grave. Très agréable. Un artiste avec qui on a joué que j'aime beaucoup, Jepsies. Il est aussi sur Dijon, un univers bien à lui, psychédélique. Les Plastic Invaders, parce voilà. Que eux, ce sont nos tontons. On allait les oublier. On a fait deux Plastic Night avec eux, parce que Plastic Edge, Plastic Invaders, ouais. Ils sont super cool, pareil, ça envoie de ouf sur scène, ils sont complètement cinglés, tous autant qu'ils sont. Et tellement adorables, tellement gentils. Ouais. Voilà, c'est... On a passé des pures soirées avec eux. Bon, vous avez participé au Ricard SA Live Music, c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai connu votre musique à la base. C'est une bonne ou une mauvaise expérience ça? Et puis quel est votre regard sur les tremplins en général? Cette expérience-là, on a participé deux fois, puis on n'a jamais gagné, donc en fait ça ne nous sert pas. Enfin, un peu de visibilité, on va dire, mais pas grand-chose de plus. Mais après, les tremplins, ça dépend lesquels, mais en général, on a de bons retours après, parce que c'est vrai que ça permet une visibilité qui est pas pareille que si on fait une première partie ou un truc comme ça. Et des prises de contact, on découvre plein de groupes, etc. Après, moi, ce qui m'embête un peu dans les tremplins, c'est des fois le côté compétition, parce que la musique, pour moi, c'est pas une compétition, enfin, c'est un bon moment, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des tremplins où ça se passe un peu comme ça, mais en général, ça va. Oui, c'est comme ça qu'on a rencontré certains groupes dont on a cité, dont on a parlé précédemment en fait. Ouais. Bien. Alors une petite question comme ça. On a tous, un animal qui sommeille et qui demande qu'à ressortir. J'aimerais savoir à quels animaux on va avoir droit ce soir sur scène. Ah ouais, pas là. Non. On compare souvent à une lionne, sûrement la crinière, et puis le fait que je bouge partout et que je crie. Mais on me compare souvent à une lionne, donc voilà, on va dire ça. Nicolas. Transformé en quoi, Nicolas? Alors les filles, elles vont dire, Anne. Un âne, super. Non, le petit bonhomme dans l'âge de glace, là, qui est le petit bonhomme. Apparaît ça. Alors, je suis pas du tout comme ça sur scène. On va dire plus, un chien, parce que je peux sauter partout. On bouge pas mal, quand même. Et qu'il ne suit pas. Regarde, je veux pas te regarder de la même façon. Oh, c'est Nicolas le chien. Tant qu'il se mette à quatre pattes. Moi, c'est plus un ours. Je suis très calme, et après, je pète un gros plomb. On va faire découvrir un titre à nos auditeurs. Lequel vous choisissez? Oui, Blood Red Roses. On veut Blood Red Roses alors. Voilà. Donc je vous redemande pas pourquoi. Du coup, on a déjà expliqué. Voilà. Bien, écoutez, moi je vous remercie déjà de m'avoir accordé un petit peu de temps pour. Merci à toi.